En embarquant sur la Mercy, j'ai rencontré l'inertie. Elle était si belle et si jolie, j'ai voulu être son ami. Je lui ai fait la cour assidûment, elle m'a souri et en riant, tendu ses lèvres avidement, j'ai embrassé fort ardemment. Elle m'a dit je barre en avant, me suivras-tu aveuglement, je n'ai pas vu d'inconvénient. Et j'ai collé comme un aimant. Nous étions jeunes et bien chaussés pour parcourir routes et sentiers, de bonnes piqueurs, de bons lacets. En la Mercy, sommes enlacés. Dans l'élan et la passion, elle m'a conduit à sa raison, m'a fait larguer la cargaison, aller chercher de provisions. Elle voguait libre, sans le gréement, par grand soleil ou mauvais temps. Et quand à perdre les éléments, j'ai été livré à tous les vents. Elle tanguait, moi je valsais, le grand écart nous unissait. Moi parfois trop, je chavirais, à la Mercy, je m'agrippais. Je dis merci à l'inertie. Tant mon ami sut m'enflammer, l'océan pouvait bien brûler. Dans son sillon gentil bouillé, ma Mercy m'engloutissait. Mer très haute, fidélité, souvent enceinte, au baraqué. Je n'ai pas voulu m'en débarquer, j'étais accro ou bien amarré. À la Mercy, je dis merci, je dis merci, à la Mercy. L'Odyssée n'est pas terminée, toujours ensemble, bien arrimés. Je ne vais pas tout dévoiler, mon chargement est top secret. Pour la chanson, c'est trop salé, c'est refumé, morue séchée. Je n'osais pas même vous la siffler, d'où l'inertie. elle l'a pêché. Merci. Allez, merci.